la patience d'un mahatma, ni la plume d'un soprano en chair ou en bois. Pas les chaînes en or, pas la bague au doigt, pas le 4x4 dans le garage, juste un peu de toi. Juste un peu de toi. J'ai pas les affres du roi gynéco, pas les palabres d'un Dylan ou d'un B2O. J'ai pas le Vespa qu'elle me voudrait avoir, pas la force de frappe d'un formal en plein combat. D'un formal en plein combat. J'ai pas tout ce que j'ai voulu avoir, mais ta voix c'est tout ce que j'ai. Et c'est déjà ça. Moi j'ai toi, ma femme, le temps nous réussit bien. Et t'avoir c'est déjà bien. Et c'est déjà bien. J'ai pas la patience d'un mahatma, ni la voix d'un soprano en chair ou en bois. J'ai pas ses défauts, ses qualités-là. Moi j'ai juste toi, et c'est déjà ça. Et c'est déjà ça. Moi j'ai pas tout ce que j'ai voulu avoir, mais t'avoir c'est tout ce que j'ai. Et c'est déjà ça. Moi j'ai toi ma femme, le temps nous réussit bien. Et toi c'est tout ce que j'ai, c'est déjà bien.